Chapitre 13. La fortune que Mr. Vanstone possédait quand vous l'avez connue, commença Mr. Pendril, n'était qu'une portion de l'héritage qui lui échut à la mort de son père. Ce dernier était un manufacturier du nord de l'Angleterre. Il se maria de bonne heure, et les enfants issus de ce mariage furent au nombre de 6 ou 7, je ne saurais dire au juste. D'abord, Michel, le fils aîné, vivant encore, et qui maintenant plus que septuagénaire. En second lieu, Célina, l'aînée des filles, mariée tard, et qui mourut il y a 10 ou 11 ans. Après ceci venaient d'autres fils et filles, dont la mort précoce me dispense de faire mention détaillée. Le dernier de ses enfants, et de beaucoup le plus jeune, fut André, avec lequel j'entrai en relation, comme je vous le disais, lorsqu'il touchait à sa 20e année. Mon père était alors sur le point de renoncer à poursuivre activement sa profession, et succédant à sa clientèle, je me trouvai naturellement en rapport avec les Vanstone. Je devins à mon tour l'avocat de la famille. À cette époque, André venait de débuter dans la vie en prenant du service. Après une année, peut-être un peu plus, d'apprentissage à l'intérieur, il fut envoyé au Canada où se rendait son régiment. En quittant l'Angleterre, il y laissa son père et son frère aîné Michel, séparés par de graves dissentiments. Inutile de vous faire perdre du temps en vous détaillant la cause de leur querelle. Je me bornerai à vous dire que Mr. Vanstone, père, avec beaucoup d'excellentes qualités, était un homme emporté, un caractère intraitable. Son fils aîné l'avait bravé dans des circonstances qui auraient irrité à bon droit un père beaucoup plus indulgent, et il déclara, dans les termes les plus positifs, qu'il ne voulait plus revoir la figure de Michel. Malgré mes supplications, malgré celle de sa femme, il déchira devant nous le testament qui assurait à Michel une portion de l'héritage paternel. Telle était la position de la famille quand le fils cadet partit pour le Canada. Quelques mois après qu'André fut arrivé à Québec, où son régiment devait résider, il lia connaissance avec une femme d'une grande beauté qui venait ou disait venir d'un des États sud-américains. Elle prit immédiatement beaucoup d'empire sur lui et s'en servit dans l'intérêt le plus vil. Vous avez connu le caractère facile, affectueux, confiant de cet homme dans les dernières années de sa vie. Vous pouvez donc imaginer à quelle folie purent l'entraîner les impulsions ardentes de la jeunesse. Je n'insisterai pas sur ces regrettables détails de mon récit. Il venait d'avoir 21 ans. Il s'était aveuglément dévoué à une femme indigne, et par d'implacables artifices, elle l'amena bientôt à d'irréparables déterminations. En un mot, il commit alors la grande et fatale erreur de sa vie. Il épousa cette femme. Elle avait eu, dans son propre intérêt, assez de prudence pour redouter les conseils que ses frères d'armes auraient pu donner au jeune Vanstone et pour lui persuader de tenir secrète l'union projetée entre eux, jusqu'après la cérémonie qui devait la rendre irrévocable. Ceci, elle le pouvait faire. Mais elle ne pouvait se mettre en garde contre tous les hasards. 3 mois étaient à peine écoulés qu'une révélation fortuite mit au jour la vie qu'elle avait menée avant son mariage. Son mari n'avait désormais qu'un parti à prendre, ce fut de se séparer d'elle à l'instant même. L'effet d'une telle déception sur le malheureux enfant, il était encore enfant à bien des égards, peut être apprécié par l'événement qui suivit cette révélation imprévue. Un des supérieurs d'André le surprit dans sa chambre, écrivant à son père l'aveu complet de son déshonneur, un pistolet tout chargé sur son bureau. Cet officier empêcha l'enfant de se tuer et amortit, au moyen d'un compromis, cette affaire scandaleuse. Le mariage étant parfaitement valide, et la conduite de la femme avant la célébration ne donnant à son mari aucun droit de se débarrasser d'elle par le divorce, on ne put qu'en appeler à l'avidité même dont elle avait fait preuve. Une assez forte pension lui fut garantie, à condition qu'elle retournerait au pays d'où elle était venue, que jamais elle ne mettrait le pied en Angleterre et qu'elle cesserait de porter le nom de son mari. À ces stipulations, on en ajouta d'autres encore. Elle les accepta toutes et l'on prit secrètement des mesures pour la faire surveiller de près dans la retraite où elle allait rentrer. Je ne sais trop quelle vie elle y mena, ni si elle remplit strictement toutes les conditions qui lui étaient imposées. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'à ma connaissance, elle n'est jamais venue en Angleterre, qu'elle n'a jamais tourmenté Mr. Vanstone, et que jusqu'au jour de sa mort, sa pension lui a été payée en Amérique par l'intermédiaire d'un agent pris sur les lieux. Tout ce qu'elle avait voulu en épousant André, c'était de l'argent, et cet argent lui fut acquis. André, sur ses entrefaites, avait quitté le régiment. Pour rien au monde, après ce qui était arrivé, il n'aurait voulu demeurer auprès de ses frères d'armes. Il vendit son brevet et revint en Angleterre. La première nouvelle qu'il apprit en débarquant fut la mort de son père. Il vint me trouver à Londres, dans mon bureau, avant de rentrer chez lui. Il y apprit, de ma bouche, comment les dissensions de famille avaient abouti. Le testament que Mr. Vanstone, père, avait anéanti en ma présence n'avait pas été, du moins à ma connaissance, remplacé par un autre. Appelé naturellement après sa mort, je comptais que le partage des biens entre sa veuve et ses enfants se ferait suivant les dispositions générales de la loi. Et je fus fort étonné de trouver parmi ses papiers un acte de dernière volonté, parfaitement régulier et daté d'une semaine après celle où le premier testament avait été détruit. Il avait maintenu ses intentions vindicatives à l'encontre de son fils aîné. Il s'était adressé à un jurisconsulte étranger pour obtenir de lui les conseils professionnels que certainement il avait honte de me demander. Je n'ai pas besoin de vous faire connaître en détail les prescriptions de cet acte mortuaire. Elles avaient pour objet de régler le sort de la veuve et des trois enfants qui survivaient. À la veuve était attribué, sur une portion des biens du testateur, un douaire en viager. Le demeurant devait se partager entre André et Céline, deux tiers au frère, un tiers à la sœur. À la mort de la mère, les capitaux sur lesquels son revenu était assigné devaient faire retour sur la tête d'André et celle de Célina, dans les proportions déjà indiquées, mais sous déduction de 5 000 livres sterling qui seraient payées à Michel comme le seul legs de l'implacable père à son fils aîné. Pour tout chiffrer, les biens de Mr. Vanstone, partagés selon les dispositions du testament, donnaient les résultats suivants. Avant la mort de la mère, André recevait 70 000 livres sterling, Célina 35 000 et Michel rien. Après la mort de la mère, Michel recevait 5 000 livres à mettre en regard de l'héritage d'André, montant alors à 100 000 livres et de celui de Célina porté à 50 000. Ne vous imaginez pas que j'insiste inutilement sur cette portion de mon récit. Chacune des paroles que je prononce a un rapport direct avec les intérêts encore en suspens des filles de Mr. Vanstone. Puisque des événements passés nous allons en venir aux circonstances actuelles, veuillez ne pas oublier cette effroyable inégalité entre l'héritage de Michel et l'héritage d'André. Le mal produit par le testament, lequel fut une œuvre de vengeance, n'est pas encore à son terme, du moins j'en ai la crainte. La première impulsion d'André, quand il reçut les communications que j'avais à lui faire, fut digne de sa nature ouverte et généreuse. Il proposa aussitôt de partager avec son frère aîné l'héritage paternel. Mais déjà un obstacle sérieux s'y opposait. Une lettre de Michel attendait André dans mes bureaux, et cette lettre l'accusait formellement d'avoir fomenté entre son père et son frère aîné la désunion dont ce dernier portait la peine. Les efforts qu'André avait faits, sans beaucoup d'adresse, je l'avoue, mais je le sais, dans les intentions les meilleures et les plus pures, afin de raccommoder les choses avant son départ, présenté sous le jour le plus faux, servait à étayer une accusation de trahison et de mensonge, bien faite pour piquer au vif l'homme le moins susceptible. André comprenait, je le comprenais moi-même, que ces imputations n'étaient pas retirées avant qu'on ne donnât suite au généreux projet conçu par lui à l'égard de son frère. Le simple fait de sa réalisation serait comme un aveu que Michel ne l'avait pas calomnié. Il écrivit à son frère dans les termes les plus conciliants. La réponse qu'il en reçut fut aussi offensante qu'elle pouvait l'être. Michel avait hérité du caractère paternel, moins les qualités qui en atténuaient les côtés fâcheux. Sa seconde lettre réitérait les accusations renfermées dans la première. Il y déclarait qu'il accepterait le partage offert seulement à titre d'expiation et de restitution. J'écrivis ensuite à la mère pour la solliciter d'employer son influence. Elle-même se croyait lésée de n'avoir que des droits viagers sur la propriété de son mari. Aussi se mit-elle résolument du côté de Michel. censurant avec amertume la proposition d'André qui voulait, disait-elle, payer le fils aîné pour lui faire rétracter une accusation à laquelle il n'avait pas cessé de croire. Après ce dernier échec, il n'y avait plus moyen de s'entendre. Michel se retira sur le continent et sa mère l'y suivit. Elle vécut assez longtemps et put assez épargner sur ses revenus pour qu'à sa mort, son fils aîné vit accroître notablement les 5 000 livres qu'il avait déjà reçues. Du reste, sa position pécuniaire s'était déjà fort améliorée par un mariage avantageux, et pour le moment, il achève ses jours soit en France, soit en Suisse. Resté veuf, avec un fils unique. Nous reviendrons à lui dans quelques instants. Il me suffira, d'ici là, de vous dire que les deux frères ne se sont jamais rencontrés depuis lors, et que, même par écrit, ils n'ont jamais communiqué l'un avec l'autre. De ce lointain passé au temps actuel, et à tous égards quelconques, ils sont restés morts l'un pour l'autre. Vous pouvez maintenant apprécier la position d'André après qu'il eut quitté son état et fut revenu en Angleterre. Mis en possession d'une grande fortune, il était seul au monde. À peine arrivé dans la vie, il voyait son avenir brisé à jamais. Sa mère et son frère brouillent avec lui. Sa sœur, mariée depuis peu, avec des intérêts et des espérances dans lesquels il n'avait aucune part. Des hommes doués d'autres facultés mentales auraient pu trouver dans quelque absorption intellectuelle le contrepoids d'une situation pareille. André n'était pas capable d'un tel effort. Tout ce qu'il avait de puissance gisait précisément dans ses dispositions aimantes qu'il avait jusqu'alors si mal employées. Sa place dans le monde était celle du chef de famille, auprès d'un foyer paisible, pourvu d'une femme, d'enfants qui lui font une vie heureuse, et cette place, il l'avait pour jamais perdue. Regarder en arrière, il ne l'osait. Regarder devant lui, c'était l'impossible. De pur désespoir, il laissa son impétueuse jeunesse l'entraîner au gré de ses caprices, et il se plongea dans les plus infimes dissipations de la vie de Londres. La perfidie d'une femme l'avait poussé à sa ruine. L'affection d'une femme devint son salut, et l'arrêta au début de la carrière où il allait se précipiter. Parlons d'elle avec indulgence, car nous l'avons placée hier à côté de lui, dans la même tombe. Vous qui avez connu Mrs. Vanstone seulement dans ces dernières années, lorsque déjà la maladie, les chagrins, les secrets soucis l'avaient changée, attristée, vous ne pouvez vous faire une exacte idée du charme de sa personne et de son caractère, alors qu'elle était une jeune fille de 17 ans. J'étais avec André quand il la rencontra pour la première fois. J'avais essayé de l'enlever, du moins pour une nuit, à d'indignes compagnons, à d'avilissants plaisirs, en l'emmenant avec moi au bal donné par une des grandes compagnies de la cité. Ce fut là qu'ils se virent. Elle produisit sur lui, dès le premier moment, une très vive impression. Elle m'était, comme à lui, totalement inconnue. Il se fit présenter, selon l'usage, et apprit ainsi qu'elle était la fille d'un certain Mr. Blake. Le reste, il le sut d'elle-même. Ils dansèrent ensemble toute la soirée, perdus dans la foule qui encombrait cette salle de bal. Un mauvais sort avait toujours pesé sur elle. Elle était malheureuse dans son intérieur. Ni sa famille, ni ses amis n'occupaient dans le monde une position sortable. C'étaient des gens équivoques, sans ressources connues, à tous égards indignes d'elle. Ce bal était le premier où elle fut venue. Pour la première fois, elle rencontrait un homme qui eut l'éducation, les manières, le langage d'un gentleman. Sont-ce là des excuses que je n'ai pas le droit de faire valoir en sa faveur? Non, à coup sûr, si nous gardons quelque humaine compassion pour les faiblesses humaines. Le hasard de cette rencontre nocturne décida de leur avenir. Quand il se fut retrouvé maintes et maintes fois, quand l'aveu de sa tendresse eut échappé à la jeune fille, André, fort innocemment et à son insu, prit de tous les partis le plus périlleux pour l'un comme pour l'autre. Sa franchise, sa manière d'entendre l'honneur, lui interdisait de la tromper. Il lui ouvrit son cœur et lui fit connaître la vérité tout entière. C'était une jeune fille généreuse, au cœur plein d'élan. Elle n'avait pas, pour la retenir, de lien domestique assez fort. Elle était passionnément éprise de lui, et il avait fait à sa pitié cet appel qui est, ceci soit dit à l'éternel honneur des femmes, le plus irrésistible de tous ceux qu'on leur puisse adresser. Elle voyait, et à cet égard voyait juste, qu'elle seule pouvait se placer entre lui et l'abîme. De la décision qu'elle allait prendre dépendait la dernière chance qu'il eut encore. Elle se décida, il fut sauvé. « Ne vous méprenez point à mes paroles, Ne m'accusez pas de traiter légèrement la grave question sociale que mon récit m'a contraint d'aborder. Je ne veux défendre la mémoire de cette femme par aucun paradoxe. Je veux tout simplement dire ce qui est. Or, il est vrai qu'elle arrachait ce jeune homme à des excès insensés, à la mort précoce par où il devait finir. Il est vrai qu'elle lui donna ce bonheur domestique, présent encore à vos souvenirs attendris, et qu'il se rappelait avec tant de reconnaissance que le lendemain même du jour où il se vit libre, il la prit pour femme. La morale peut ici revendiquer ses droits et condamner la chute originelle de cette femme, mais véritablement, où j'ai bien mal lu les saintes écritures, où je ne me trompe pas en affirmant que la pitié chrétienne peut adoucir la sentence portée contre elle, que la charité chrétienne peut réhabiliter sa mémoire, en invoquant sa tendresse et sa fidélité, les souffrances et l'abnégation qui ont été le lot de toute sa vie. Peu de mots encore vont nous amener à une période plus récente et des événements auxquels vous avez assisté. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la position où Mr. Vanstone se trouvait maintenant placé ne pouvait, à la longue, avoir qu'un seul résultat, la découverte inévitable de la vérité. On essaya bien de cacher la famille de Miss Blake, le malheur sans espoir qui pesait sur sa vie. Mais comme cela devait être, ses tentatives avortèrent devant les recherches sans fin ni trêve auxquelles se livrèrent le père et les amis de la jeune fille. Je ne sais ce qui fut arrivé si toute cette parenté eût été classée parmi ce que nous appelons les honnêtes gens. Comme allaient les choses, il y avait matière à une sorte de compromis. L'unique membre de la famille qui survive encore maintenant est un drôle qui s'intitule le capitaine Reig. Lorsque je vous aurais dit que, jusqu'à la fin, il sut extorquer de Mrs. Vanstone le prix du silence qu'il gardait, et lorsque j'ajouterais que sa conduite fut à peu près celle de tous les autres parents, aussi longtemps qu'ils vécurent, vous comprendrez à quelle espèce d'individu j'eus affaire dans l'intérêt de mon client, et par quels moyens fut apaisée l'indignation dont il se targuait. Mr. Vanstone et Miss Blake, qui avaient d'abord passé d'Angleterre en Irlande, demeurèrent ensuite, pendant quelques années, dans ce dernier pays. Si jeune qu'elle fût, celle-ci envisageait sans fléchir et sa position nouvelle et les nécessités qui en dérivaient. Une fois résolue à sacrifier sa vie à l'homme qu'elle aimait, une fois sa conscience calmée par cette idée que le mariage d'André n'était qu'un simulacre légal et qu'elle seule demeurait sa vraie femme au regard de Dieu, elle s'appliqua, dès le principe, à vivre avec lui, au regard du monde, de manière à ne jamais laisser soupçonner qu'elle ne fût point son épouse légitime. Peu de femmes, en vérité, qui ne puissent arrêter de fermes résolutions, suivre un plan avec patience et agir avec promptitude quand y sont intéressés les plus chers intérêts de leur existence. Mrs. Vanstone, qui maintenant ne l'oublie pas, a droit à ce nom. Mrs. Vanstone était douée au-delà de la mesure moyenne, en fait de ténacité féminine et de tact féminin. Aussi, dès ses premiers temps, sut-elle prendre toutes les précautions auxquelles son mari n'aurait pas songé à recourir, et que d'ailleurs son imagination peu fertile n'aurait pas aisément inventé. Ces précautions furent pour beaucoup dans le secret, si fidèlement conservées par la suite. Grâce à elles, ils revinrent en Angleterre sans inspirer même l'ombre d'un soupçon. Ils s'établirent tout d'abord dans le comté de Devon, simplement parce qu'il s'y trouvait là suffisamment éloigné de ces districts du Nord où avaient été connues la famille et les relations de Mr. Vanstone. Des parents qui lui restaient, il n'avait à redouter aucune investigation. Il était complètement brouillé avec sa mère et son frère aîné. Le mari de sa sœur, c'était un ecclésiastique, avait interdit à celle-ci toute communication avec André, dès l'époque où il avait commencé à mener la déplorable existence dont je vous parlais après son retour du Canada. Il n'avait pas d'autres parents. Quand ils quittèrent le Devonshire, lui et Miss Blake, ce fut pour venir s'établir dans ce château. Ils ne semblèrent pas vouloir éviter les regards. Ils ne les attiraient pas davantage, trouvant le bonheur en eux-mêmes, dans leurs enfants, dans le calme de la vie rurale, n'inspirant aucun soupçon au petit nombre de voisins qui formaient le cercle restreint de leurs relations et qui tous les prenaient pour ce qu'ils paraissaient être. Bref, pour eux comme pour beaucoup d'autres, la vérité devait rester sous le boisseau jusqu'à ce qu'un accident la fît éclore au jour. si dans l'étroite intimité où ils vous ont admise, il peut vous sembler étrange que jamais ils ne se soient trahis, veuillez peser toutes les circonstances et vous comprendrez cette anomalie apparente. Rappelez-vous qu'à tous égards, pendant les 15 ans qui précédèrent votre entrée au château, ils avaient vécu comme mari et femme, sans la cérémonie religieuse qui jamais n'avait eu lieu, et songez en même temps qu'aucun incident ne vint troubler le bonheur actuel de Mr. Vanstone, lui rappeler le passé, le mettre en garde contre l'avenir, jusqu'à ce que lui parvint la nouvelle de la mort de sa femme dans cette lettre d'Amérique que vous lui vîtes remettre. À dater de cette journée, où un passé qu'il abhorrait fut violemment rappelé à ses souvenirs, où elle put compter sur un avenir qu'il n'avait jamais osé rêver, vous verrez bientôt, si vous ne l'avez déjà vu, qu'à maintes et maintes reprises, ils se trahirent tous deux. Vous verrez que vous et les enfants auriez pu facilement découvrir la vérité sans cette confiance innocente qui vous préservait de tout soupçon. Vous connaissez maintenant aussi bien que moi ce passé si triste. J'ai eu de pénibles paroles à prononcer. Dieu m'est témoin que je les ai dites avec une vraie sympathie pour les vivants, avec de sincères égards pour la mémoire des morts. Mr. Pendril s'arrêta, détourna un peu son visage et appuya sa tête dans sa main avec les allures calmes et peu démonstratives qui lui étaient naturelles. Jusque-là, Miss Garth n'avait interrompu son récit que par quelques mots et ça et là jetés, ou par quelques gestes qui témoignaient de son intention. Elle ne faisait aucun effort pour comprimer ses larmes, aussi tombaient-elles, rapides et silencieuses, sur ses joues flétries quand elle leva les yeux pour lui parler. « Je vous ai mal jugé, monsieur, dans le secret de mes pensées, » dit-elle avec une noble simplicité. « Je sais maintenant qui vous êtes. Laissez-moi prendre votre main dans la mienne. » Ces mots et le geste qui les accompagna touchèrent profondément l'avocat. Il prit sa main sans rien dire. Elle fut la première à parler, la première à donner l'exemple de l'empire sur soi-même. Entre autres nobles instincts des femmes, remarquons que rien ne les incite puissamment à lutter contre leur propre douleur comme l'aspect d'une tristesse virile. Elle sécha paisiblement ses larmes et, rapprochant son fauteuil de celui de l'avocat, elle reprit la parole avec plus de sang-froid. « Ce qui s'est passé dans cette maison m'a singulièrement ébranlé, monsieur Pendril, » lui dit-elle. « Sans cela, j'aurais mieux supporté que je ne l'ai fait le triste fardeau de vos révélations. Me permettez-vous une question, une seule ? Mon cœur saigne pour les enfants de mon affection, mes filles plus que jamais à présent. N'est-il pour elles aucun espoir d'avenir ? N'ont-elles d'autres perspectives que celles d'une misère complète ? » Avant de répondre à cette question, l'avocat sembla hésiter. Désormais, du moins, dit-il, leur sort dépend de la justice et de la pitié d'un homme qui leur est étranger. Et cela de par le malheur de leur naissance ? Non, mais de par les malheurs qui ont suivi le mariage de leurs parents. En lui adressant cette surprenante réponse, Mr. Pendril se leva, ramassa le testament et le replaça sur la table. « Je n'ai qu'une manière nette de vous expliquer la vérité, » reprit-il. « Le mariage a détruit ce testament et il a laissé les filles de Mr. Vanstone à la merci de leur oncle. » Comme il parlait, la brise vint de nouveau frémir autour des arbustes qui garnissaient le dessous de la fenêtre. « À la merci de leur oncle ?» répéta Miss Garth. Elle réfléchit ensuite un moment et posant tout à coup sa main sur le bras de Mr. Pendril, « Pas à la merci de Michel Vanstone !»« Si fait de Michel Vanstone !» La main de Miss Garth resta machinalement crispée sur le bras de l'avocat. Son âme tout entière s'absorbait dans l'idée qui venait si soudainement de se révéler à elle. « À la merci de Michel Vanstone !» se disait-elle. « À la merci de l'homme le plus hostile à leur père ? Comment cela peut-il être ?» « Veuillez m'accorder encore quelques minutes d'attention, » dit Mr. Pendril, « et vous le saurez. Plus tôt j'en aurai fini avec ce pénible entretien, plus tôt il me sera loisible d'entrer en communication avec M. Michel Vanstone, et plus tôt nous apprendrons ce qu'il décide relativement aux deux orphelines, filles de son frère. Je vous répète qu'elles sont absolument à sa merci. Vous comprendrez facilement comment et pourquoi, si nous reprenons la série des événements au point même où nous l'avons laissé. À l'époque du mariage de Mr. et Mrs. Vanstone. Un instant, monsieur, dit Miss Garth. Étiez-vous dans le secret de ce mariage lorsqu'il eut lieu? Malheureusement, non. J'étais alors absent de Londres et hors d'Angleterre. Si Mr. Vanstone avait pu se mettre en rapport avec moi quand la dépêche américaine vint lui annoncer la mort de sa femme, le sort de ses filles ne serait pas maintenant compromis comme il l'est. Il se tut, et avant de passer à d'autres explications, parcourut encore les lettres qu'il avait consultées au début de l'entretien. Parmi elles, il en choisit une qu'il plaça sur la table auprès de lui. Au commencement de la présente année, reprit-il, une affaire très grave concernant un domaine possédé dans les Indes occidentales par un de mes vieux amis et clients exigeait à la Jamaïque ou ma présence ou bien celle d'un de mes deux associés. L'un d'eux était indispensable à nos affaires anglaises. L'autre n'était pas d'une santé à supporter le voyage. Je n'avais pas le choix, il fallut partir. J'écrivis à Mr. Vanstone pour lui dire que je quitterais l'Angleterre à la fin de février et que la nature de l'affaire qui m'appelait me laissait peu d'espoir de revenir des Indes avant le mois de juin. Ma lettre fut écrite sans aucun motif spécial. Je trouvais seulement convenable, mes associés n'étant pas comme moi au courant des affaires particulières de Mr. Vanstone, qu'il fût averti de mon absence par manière de forme et aussi par précaution. À la fin de février, je quittai l'Angleterre sans avoir entendu parler de lui. J'étais en mer, le 4 mars, quand lui arriva la nouvelle que sa femme était morte, et je ne revins que vers le milieu de juin dernier. « Vous l'aviez averti de votre départ ?» interrompit Miss Garth. « Ne l'auriez-vous pas prévenu de votre retour ?»« Pas directement. Mon premier clerc lui fit passer une des circulaires expédiées de divers côtés pour annoncer que j'étais revenu. Ce fut ainsi que je crus pouvoir remplacer la lettre personnelle que d'innombrables occupations accumulées devant moi pendant mon absence ne me laissaient pas le loisir d'écrire. Il s'était même écoulé tout un mois quand je reçus la première nouvelle de son mariage par une lettre qu'il m'écrivit le jour même du fatal accident. Ce qui avait motivé cette lettre fut un incident auquel vous avez dû prendre quelque intérêt, à savoir l'attachement qui s'était formé entre le fils de Mr. Clare et la fille cadette de Mr. Vanstone. Je ne puis dire que cet attachement m'ait trouvé alors très favorablement disposé, répondit Miss Garth. J'ignorais les secrets de la famille, maintenant j'y vois plus clair. Précisément, le motif que vous pouvez maintenant apprécier est justement celui qui explique tout. La jeune personne elle-même, je le tiens de Mr. Clare, le père, à qui je dois de savoir en détail ce qui s'est passé, la jeune personne fit à son père l'aveu de l'amour qu'elle éprouvait, et sans le savoir, par une allusion fortuite au passé paternel, raviva la plaie encore saignante. André eut une longue conversation avec Mrs. Vanstone, et ils tombèrent d'accord que Mr. Clare devait être secrètement informé de la vérité, avant qu'on donnât plus ample carrière à l'affection des deux jeunes gens. Pour le mari comme pour la femme, il était excessivement dur d'en être réduit à cette alternative, mais ils étaient décidés, honorablement décidés, à faire le sacrifice de leur répugnance. Et Mr. Vanstone se rendit immédiatement chez Mr. Clare. Vous dûtes remarquer un changement notable ce jour-là dans l'attitude de Mr. Vanstone, et vous pouvez maintenant vous en rendre compte. Miss Garth inclina la tête et Mr. Pendril continua. Vous connaissez assez le mépris que professe Mr. Clare à l'endroit de tous les préjugés sociaux. Pour deviner comment il reçut la confession que son voisin lui apportait ainsi. 5 minutes après le commencement de leur conférence, les deux vieux amis étaient tout aussi à leur aise que jamais. Dans le cours de la conversation, Mr. Vanstone parla des arrangements pécuniaires qu'il avait pris au profit de sa fille et du mari qu'elle épousait. Naturellement, il en vint à mentionner ce testament que vous voyez là, sur cette table. Mr. Clare, se rappelant que son ami ne s'était marié qu'au mois de mars dernier, lui demanda tout aussitôt à quelle époque ce testament avait été dressé. Il lui fut répondu que l'acte avait 5 années de date, et là-dessus, il étonna fort Mr. Vanstone en lui disant, sans le moindre détour, qu'aux yeux de la loi, ce document n'était qu'un chiffon de papier dépourvu de toute valeur. Comme tant d'autres personnes, notre ami, jusqu'à ce moment, avait complètement ignoré que le mariage d'un homme, considéré par la loi aussi bien que par la société comme le plus important événement de sa vie, annule tous les testaments qu'il a pu faire au temps de son célibat, et que cet acte essentiel lui impose la nécessité absolue de renouveler l'expression de ses dernières volontés, comme époux cette fois, et se sachant promis à une paternité future. Mr. Vanstone parut accablé par le simple énoncé de cette règle élémentaire. Déclarant à son ami qu'il lui avait une obligation dont il se souviendrait jusqu'au jour de sa mort, il quitta aussitôt le cottage, revint immédiatement chez lui et m'écrivit cette lettre. Il tendait la lettre ouverte à Miss Garth. À bout de larmes, muette de douleur, elle lut ces mots. « Mon cher Pendril, depuis notre dernier échange de lettres, un changement extraordinaire est survenu dans mon existence. Une semaine environ après que vous fûtes parti, je reçus d'Amérique la nouvelle que j'étais libre. Y a-t-il besoin que je vous dise l'usage que j'ai fait de ma liberté? Ne devinez-vous pas que la mère de mes enfants est désormais ma femme? Si vous êtes surpris de n'avoir reçu de moi aucun signe de vie depuis votre retour, attribuez mon silence, en grande partie, et peut-être tout à fait, à ce que j'ignorais absolument, la nécessité légale où je me trouve de renouveler mon testament. Il n'y a pas une demi-heure que, pour la première fois, dans des circonstances dont je vous ferai part, j'ai eu là-dessus le bonheur d'être averti par Mr. Clare. Au surplus, mon silence s'expliquerait aussi par des anxiétés de famille. Ma femme approche du moment de ses couches. Entre ce grave sujet d'inquiétude, ma seconde fille vient de contracter un engagement nuptial. Tout ceci a tellement préoccupé ma pensée dans les quelques semaines écoulées depuis votre retour, que jusqu'à mon entretien d'aujourd'hui avec Mr. Clare, je n'ai pas même songé à vous écrire. Maintenant que j'ai mon testament à refaire, je prends la plume sans le moindre retard. Pour l'amour de Dieu, venez me trouver dès que vous aurez reçu ce mot. Venez m'ôter cette terrible pensée qu'à ce moment même l'avenir de mes deux filles bien-aimées se trouve sans garantie. S'il m'arrivait malheur, et si mon désir d'être juste envers leur mère aboutissait, par suite de ma misérable ignorance en matière de droit, à déshériter Nora et Magdalène, je doute que je puisse reposer tranquille au fond de mon cercueil. Venez, toutes affaires cessantes, venez, trouvez votre affectionné, A. V. Ces lignes me parvinrent le samedi matin, reprit Mr. Pendril. Laissant de côté toute autre affaire, je montai en voiture pour me rendre au chemin de fer. À la gare de Londres, j'appris les premières nouvelles de l'accident qui avait eu lieu la veille. Elles ne s'accordaient ni sur le nombre, ni sur les noms des passagers tués. À Bristol, les informations étaient plus certaines, et la terrible vérité qui concernait Mr. Vanstone me fut confirmée. J'eus le temps de me remettre avant d'arriver à votre station, où je trouvai le fils de Mr. Clare attendant mon arrivée. Il me conduisit chez son père, et là, sans perdre un moment, je dressai pour Mrs. Vanstone une formule de testament que sa simple signature aurait validée. Mon but était d'assurer à ses filles tout ce qu'on pouvait sauver encore du naufrage. Mr. Vanstone étant mort à Pintestat, un tiers de sa fortune devait aller à sa veuve, et le reste être partagé entre ses plus proches parents. C'est une particularité cruelle de la loi britannique de ne point permettre que l'union ultérieure des parents légitimes les enfants nés en dehors du mariage. Les filles de Mr. Vanstone, dans les circonstances où leur père était mort, n'avaient pas plus de droit à une part de sa fortune que si elles eussent été les filles d'un des laboureurs à son service. Leur unique chance était que leur mère pût recouvrer assez sa connaissance pour leur laisser, en cas de mort, le tiers qui lui incombait. Vous savez maintenant pourquoi je sollicitais de vous cette entrevue, pourquoi j'attendais jour et nuit le signal qui m'appellerait au château. Ce fut à regret, je vous assure, que je répondis à votre billet et aux questions qu'il renfermait, dans les termes que je me vis forcé d'employer. Mais tant qu'il y avait chance de sauver la vie de Mrs. Vanstone, le secret de son mariage était à elle et non pas à moi. Je ne pouvais le révéler sans manquer à toutes les lois de la délicatesse. « Vous eûtes raison, monsieur, » dit Miss Garth. « Je comprends vos motifs et je les respecte. » Cette dernière tentative pour assurer l'avenir des enfants, continua Mr. Pendril, devait échouer, comme vous le savez, devant le dangereux caractère du mal qui emportait Mrs. Vanstone. Sa mort laissait l'enfant qui lui survécut à peine quelques heures. Il était né, ne l'oubliez pas, en légitime mariage. elle le laissait, dis-je, possesseur légal de toute la fortune de Mr. Vanstone. À la mort de l'enfant, eût-il survécu à sa mère de quelques secondes au lieu de quelques heures, le résultat aurait été le même. Le plus proche de la parenté légitime était saisi de l'héritage, et ce plus proche parent se trouvait être l'oncle de l'enfant dans la ligne paternelle, c'est-à-dire Michel Vanstone. Toute cette fortune de 80 000 livres sterling est déjà virtuellement sa propriété. « N'y a-t-il donc point d'autres parents ?» demanda Miss Garth. « N'y a-t-il rien à espérer de personne autre ?»« Aucun parent dont les droits aillent de pair avec ceux de Michel Vanstone. » « Il n'y a maintenant, dans les deux lignes paternelles et maternelles, ni grand-père, ni grand-mère de l'enfant défunt. » Ceci était d'ailleurs peu probable, vu l'âge auquel sont morts Mr. et Mrs. Vanstone. Mais ce qu'on peut véritablement regretter, c'est qu'il ne survive ni oncle ni tante quelconque de l'enfant défunt. Il existe des cousins encore vivants, un fils et deux filles de cette sœur aînée de Mr. Vanstone, qui avait épousé l'archidiacre Bartram, et qui est morte, comme je vous l'ai dit il y a quelques années. Mais leurs droits sont annulés par ceux d'une parenté plus proche. Non, Miss Garth, il faut envisager courageusement les choses comme elles sont. Les filles de Mr. Vanstone ne sont les enfants de personne, et la loi les abandonne, sans protection, à la merci de leur oncle. Loi cruelle, Monsieur Pendril, bien cruelle pour un pays chrétien. Si cruelle qu'elle soit, Miss Garth, elle trouve son excuse, pour le cas qui nous occupe, dans une particularité frappante. Je suis loin de me porter le champion de la loi anglaise, en tant qu'elle règle le sort de la postérité illégitime. Au contraire, je la regarde comme un déshonneur national. Elle punit les enfants de la faute commise par ceux qui leur donnèrent le jour. Elle encourage le vice, en privant les parents du plus puissant mobile qui put les pousser à un mariage expiatoire. Et c'est au nom de la morale, au nom de la religion, qu'elle affirme la légitimité de ces deux résultats abominables. Mais, en ce qui concerne ces malheureuses jeunes filles, elles ne se trouvent victimes d'aucune oppression extraordinaire. La législation d'autres pays, plus clémente et plus chrétienne, qui permet aux pères et mères de légitimer leurs enfants par un mariage contracté après leur naissance, n'a point de pitié pour ceux-ci. Par cela seul que leur père était marié quand il a, pour la première fois, établit des rapports avec leur mère. Elle se trouve au banc de la société tout entière, au banc de la législation civile dans toute l'Europe. Je vous dis là des vérités bien dures, à quoi bon vous les cacher? Si nous n'envisageons que le passé, nulle espérance à concevoir. Sinon jetons les yeux vers l'avenir, peut-être y a-t-il encore quelques motifs d'espérer. Le plus grand service que je puisse maintenant vous rendre est d'abréger le délai pendant lequel toutes choses resteront en suspens. Dans moins d'une heure, je serai en route pour rentrer à Londres. Immédiatement après mon arrivée, je chercherai, je trouverai les plus prompts moyens de m'aboucher avec Mr. Michel Vanstone, et je vous ferai connaître les résultats de cette démarche. Si triste que soit maintenant la position des deux sœurs, il faut la voir sous ses meilleurs aspects. Il faut tâcher de ne pas perdre toute espérance. Quelle espérance ? Répéta Miss Garth. Qu'espérer de Mr. Michel Vanstone ? Espérons pourtant. Si ce n'est la pitié, le temps peut-être aura quelque influence sur lui. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est maintenant un vieillard. Il ne peut, selon le cours naturel des choses, espérer vivre longtemps. S'il se reporte à l'époque où la discorde s'est mise entre lui et son frère, il verra que 30 années l'en séparent. Certes, il y a là de quoi calmer, adoucir la rancune la plus acharnée, et d'ailleurs, si rien d'autre ne devait l'émouvoir, sera-t-il insensible, quand il les connaîtra, aux douloureuses circonstances par suite desquelles cette fortune imprévue lui échoua tout à coup? Je tâcherai, Monsieur Pendril, de conformer mes pensées aux vôtres. Je tâcherai de garder quelque espérance. Attendrons-nous longtemps avant de connaître la décision qui nous menace? Je ne crois pas. De mon côté, nul autre délai que le temps nécessaire pour découvrir la résidence de Michel Vanstone sur le continent. Je crois avoir les moyens de résoudre promptement cette difficulté. Je les emploierai dès mon arrivée à Londres. Il prit son chapeau et revint ensuite vers la table, sur laquelle se trouvaient l'un près de l'autre la dernière lettre du malheureux père et son testament désormais inutile. Après un moment de réflexion, il plaça ces deux documents entre les mains de Miss Garth. Ceci pourra servir aux tristes révélations que vous allez avoir à faire, dit-il avec son calme quelque peu contraint. La vérité sera moins dure à ces pauvres orphelines quand elles verront dans quels termes leur père parlait d'elles dans son testament, quand elles liront cette lettre qu'il m'adressait, la dernière qu'il ait écrite. Laissons ces papiers leur apprendre que leur père n'eut jamais qu'une idée, celle d'expier le tort dont ses enfants pouvaient être victimes. Peut-être songeront-elles avec amertume à leur naissance, me disait-il quand nous rédigeâmes ensemble cet acte impuissant de ses volontés dernières. Mais mon souvenir, du moins, ne leur sera pas amer. Jamais je ne les chagrinerai en rien. Elles n'éprouveront aucune tristesse que je leur puisse épargner, aucun besoin que je puisse satisfaire. Il me fit insérer ces mots dans son testament comme une espèce d'apologie destinée à le justifier lorsque la vérité, cachée à ses enfants pendant qu'ils vivaient, leur serait révélée après sa mort. Il n'est heureusement pas de loi qui ôte à ses filles ce legs de repentir et d'amour. Je vous laisse donc le testament et la lettre, qui peuvent vous être d'un grand secours. Je confie à vos soins ces deux précieux documents. » Il vit combien ces affectueuses paroles allaient au cœur de l'institutrice, et par égard précipita ses adieux. Il prit la main de Miss Garth dans les siennes et murmura, sans trop de suite, quelques paroles reconnaissantes. « Comptez que je ferai de mon mieux, » dit-il, et se détournant avec une soudaineté compatissante, il la quitta. En plein et joyeux soleil, il était venu révéler toutes ces vérités fatales. En plein et joyeux soleil, il se retirait.